Tu sais, on fait des stars hein, avec les représentants de ces associations-là, alors qu'ils parlent au nom de personne. Ils sont personne eux-mêmes, méritent pas d'attention, méritent rien. Là. D'ailleurs, est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va constater que son 5 minutes de gloire est finie en lançant son livre? C'est pas, moi, j'ai rien à dire sur lui, parce que ce gars-là attend juste une chose, c'est que... Moi, je l'insulte. Il attend que toi, tu l'insultes. Il attend que d'autres commentateurs l'insultent. C'est juste ça qu'il attend. Moi, j'ai rien à dire pour ce gars-là. Un matin. Rien. Toi, je sais pas toi. Il lance un livre. Ouais. Ah oui. Tenir tête. Il est allé, tout le monde en parle, c'est fait. Non, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que des fois, des gens qui pensent que leurs 5 minutes de célébrité est encore là et qui lancent le livre un peu trop tard, ils en vendent pas. Ça se peut. C'est arrivé. Ouais. Une couple de fois. Mais ce qui motive ce gars-là, à faire des médias, c'est que il attend des commentaires de notre part, genre, puis de l'affrontement avec des gens un peu plus à droite. C'est juste ça qu'il attend. Pourquoi? Il aime ça. Ça l'excite. Fait que moi, j'ai rien à dire du gars-là matin. Moi, j'ai fait une entrevue avec l'individu. Ouais. Les autorités en place m'ont reproché un manque de politesse que j'assume entièrement. Ouais, puis je me souviens de la date de cette entrevue-là qu'on a faite. Le 1er mars 2012. Ouais. Et pour moi, depuis ce temps-là, j'ai plus d'opinion sur ce gars-là depuis cette fois-là. Tout s'est réglé ce matin-là, puis j'ai plus d'opinion. Surveillez les ventes. Ouais. Moi, c'est rien que ça, je dis. Ouais. Il y a peut-être une tendance que j'ai observée dans les dernières années. Ah, ouais? Je pourrais vous nommer des noms et des exemples, là, mais je vous le dis, globalement, là, ça arrive que quelqu'un étire l'élastique de son 5 minutes de gloire, pense lancer un livre à être encore quelqu'un, puis tu te rends compte que, whoop, va falloir faire du 4 pour 1 pour en vendre. Je comprends, là. Ça se peut que moi, j'ai comme plus d'opinion. Il y a peut-être des gens qui s'attendent à ce qu'on choque après lui à matin. Non. Je m'excuse, j'ai plus d'opinion. Je sais que ça ferait peut-être un meilleur divertissement si on se mettait à passer une demi-heure là-dessus. J'ai juste plus d'opinion sur ce gars-là, je suis désolé. La vie rattrape la vie. Exactement. C'est ça. La vie rattrape la vie. Faut donner du temps au temps. Hey, plus ça va, là, plus ça avait du sens, cette phrase-là. Ça avait du sens, hein? Ah, ouais. Hey, il est 6h49.